L'œuvre conquérante de Dieu est un salut si grand. Chacun de vous est rempli de péchés, de débauches. Voyez Dieu face à face, il châtie et il juge. Vous obtenez son grand salut, vous recevez son plus grand amour. Tout ce que Dieu fait est par amour. Il juge vos péchés pour que vous vous examiniez et que vous gagniez le salut. Tout ce que Dieu fait est par amour. Il juge vos péchés pour que vous vous examiniez et que vous gagniez le salut. Ne veut pas détruire l'homme fait de ses propres mains. Il fait tout pour le sauver. Il œuvre et parle parmi vous. Tout ce que Dieu et par amour, il juge vos péchés pour que vous vous examiniez et que vous gagniez le salut. Dieu ne vous hait pas vraiment, son amour est très réel. Il juge car l'homme désobéit, c'est le seul moyen de sauver. Car vous ne savez comment vivre et vous vivez dans un tel lieu immonde, plein de péchés. Il doit juger. Écrasé par Satan ou tombant en enfer, Dieu ne conquiert que pour sauver l'homme. Tout ce que Dieu fait est par amour, il juge vos péchés pour que vous vous examiniez et que vous gagniez le salut. Par amour, il juge vos péchés pour que vous vous examiniez et que vous gagniez le salut.